Cours numéro 11. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. As-salatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Akhadna fi darsina al-akhir. Mada? Tfattal. Akhadna fi darsina al-akhir. La qa'idata al-ula fi sifatillah. Wa hiya sifatullah. Sifatullah ta'ala. كلها صفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. أحسن بوجه من الوجوه. Donc les attributs d'Allah سبحانه وتعالى ils sont tous parfaits. لا نقص فيها بوجه من الوجوه. أما الصفات الناقصة فلا تثبت لله عز وجل. On attribue pas Allah سبحانه وتعالى des attributs imparfaits. Donc on avait résumé Al-Qa'ida en trois catégories. Qui c'est qui les répète? Al-Ula, Aïf al-Suyat, Min Haith al-Kamal wa al-Naqs. Hein, Tfaddal. Chez un akhar, hein? Sifatun kamila, mutlaqan, na'am. Fahadi, ma'adha naf'al? Ma'adha naf'al? Nusbituha lillah azza wa jalla. Al-Qismu al-Thani, صفات ناقصة فهذه لا نثبتها لله عز وجل مثل ماذا زيد الخيانة مثل الجهل والخيانة والموت والنسيان توسع الله سبحانه وتعالى منزع عن هذه النقائص والعيوب la peur la mort l'oubli etc l'ignorance عياذا بالله القسم الثالث ماذا قلنا تفضل أي صفات نثبتها لله عز وجل في المقابلة لأن في هذا الحال هذه صفات كاملة لكن لا نثبتها على الإطلاق أو مطلقا لماذا؟ لأن قد يكون فيها نقص Donc des صفات لله عز وجل نثبتها dans un cas pourquoi parce que dans ce cas c'est des attributs parfaits ما معنى قول شيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا كانت في مقابلة أي des صفات نثبتها في المقابلة ça veut dire quoi ce mot في المقابلة يعني من عمل فيعمل لا بس من يعمل لمثلها نعم وشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى ستة des versets comme exemple ويمكرون ويمكر الله فالله سبحانه وتعالى يمكر بالماكرين أي فإذا مكروا فالله سبحانه وتعالى يمكر بهم c'est ça المقابلة أي هم يفعلون ce فعل فالله سبحانه وتعالى يفعل ce فعل لماذا لأنه سي القدير سي العليم et ça montre هذا la perfection صفة المكر دونك نثبتها لله عز وجل في المقابلة أي يمكر بالماكرين فلا يجوز إثباتها مطلقا دير أن الله سبحانه وتعالى يمكر إصلاحته هذا لا يجوز لماذا؟ لأن المكر c'est pas du كمال مطلقا c'est du كمال أي la ruse c'est une صفة c'est un attribut parfait عند المقابلة أي rusé contre celui qui ruse ففي هذا الحال نعم وهكذا الكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فهذا إن شاء الله سيكمبخيز بيان سور تو سا الرجوع إلى القرآن والسنة فلا نثبت نعم إلا ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم دونك هذه القاعدة أليكمبخيز قال رحمه الله القاعدة الثانية دوزيام غيغل كونسيرنون Les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bab al-sifat awsa' min bab al-asma. Donc, هذا الباب باب الصفات il est awsa' min bab al-asma. Et avec l'explication de Cheikh Ibn Uthaymeen, ça va être clair. قال وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء. وهذا تقدم معنا. Hier, quand on a expliqué la différence entre les attributs et les noms, bah, alhamdulillah, ensemble, on a cité هذا. أن كل اسم متضمن للصفة. Chaque nom, il englobe un attribut. Comme on a vu dans la troisième règle des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالعليم له صفة العلم والقدير له صفة القدرة والعزيز له صفة العزة والسميع صفة السمع وهكذا. Chaque nom, il englobe un attribut. ثم قال ولا ولأن من الصفات ما يتعلق نعم قال ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله وأفعاله لا منتهى لها قبل ذلك تقدم معنا كذلك أمس avec هذا tu vas comprendre إن شاء الله القاعدة أن chaque nom s'englobe un attribut ولا عكس هذا ça montre أن باب الصفات il est أوسع فمثلا si tu choisis 10 noms si tu choisis 10 noms tu auras forcément 10 attributs et أن chaque nom il englobe un attribut donc si tu cites 10 noms forcément tu peux déduire 10 attributs si tu cites 10 attributs est-ce que tu peux déduire 10 noms là et أن c'est pas chaque attribut qui forcément ça implique ou ça englobe un nom abadan par exemple sifatul wajh wa sifatul yadayn wa sifatul kalam etc tu peux pas dire an Allah subhanahu wa ta'ala tu peux pas citer un nom par rapport à sifatul wajh tu peux pas citer un nom par rapport aux sifat des mains ou hakada les autres sifat donc hada ça montre clairement que bab as-sifat il est awsa' et il est plus vaste que bab al-asma. Limadha li'anna chaque nom s'englobe un attribut et pas l'inverse. Donc là, chaque an bab al-sifat, c'est beaucoup plus vaste que les noms. Thumma Cheikh Al-Uthaymeen, il a cité une deuxième explication. Qala wa li'anna min al-sifat ma yata'allaq bi af'ali Allah ta'ala. Wa hadha insha'Allah ta'ala sayati ma'ana. Les ulama, ils les appellent al-sifat al-fi'liya. Aïe des sifat qui sont liés au fi'l, aïe à des actions. مثلا الله سبحانه وتعالى يتكلم ويسمع وينزل يدسن سبحانه وتعالى le dernier tir de chaque nuit ça sont صفة فعلية قال وأفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها قال الله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. أي نعم. Donc أفعال الله سبحانه وتعالى لا منتهى لها. Tu peux pas dénombrer les أفعال الله سبحانه وتعالى. Est-ce que Allah سبحانه وتعالى il fait. فهو فعال لما يريد. Tu as un exemple هنا avec صفة الكلام. Avec صفة الكلام فلا منتهى لهذا الكلام. C'est pour ça que Allah سبحانه وتعالى il a cité cet exemple. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرًا Si tous les arbres qui sont sur terre, ça serait des aqlams, des plumes. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرِينَ Et tous les océans, ça serait de l'encre. مَا نَفِدَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ نعم, ça ne suffirait pas pour les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça montre أَنَّ أَفْعَالُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا مُنْتَهَى لَهَا كَمَا قَالَ شَيْخُ الْعُثَيْمِينَ قَالَ وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش tout ça c'est des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et il y a des preuves du Coran et de la Sunna على هذا ils vont en citer quelques-uns قال إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى كما قال تعالى وجاء ربك وجاء ربك donc celui qui a fait ce fi'l المجيء le fait de venir c'est Allah وجاء ربك Donc نثبت هذه الصفة لله عز وجل وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام صفة الإتيان et ça ressemble à المجيء le fait de venir وقال فأخذهم الله بذنوبهم صفة الأخذ وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه صفة الإمساك أن الله سبحانه وتعالى c'est lui qui retient هذه السماء Vous avez remarqué que l'hadith sama, il n'y a pas de pilier, il n'y a rien pour la soutenir. Qui c'est qui la soutient? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui la retient. Hatta la, la taqa ala l'ard. Hatta ce ciel, il ne tombe pas sur la terre. Qala inna batcha rabbika la shadid, sifatul batch. Wa qala yuridu Allahu bikum al-yusr, wa la yuridu bikum al-usr. Na'am, sifatu al-irad. Et en Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de la volonté. Wa qala nabi sallallahu alayhi wa sallam, yanzilu rabbuna ila samai dunya. Sifatu al-nuzul. Beaucoup de awsaf. La plupart c'est des balahadi qu'il a cité, c'est des sifat fi'liya, et on verra hada inshallah en détail. Qala fa nasifu Allah ta'ala bi hadhihi as-sifat 'ala al-wajh al-warid. Hadhihi as-sifat awalan nusbituha lillah 'azza wa jalla. Pourquoi? Parce que on a des preuves claires min al-Qur'an al-Karim. Qawluhu 'ala al-wajh al-warid ay kama athbathaha as-salaf bi بغير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف كما تقدم معنا في الدروس اي في الاقتصاد قال ولا نسميه بها اي سي سا لا ديفيرونس اي سي سا لو بوت pourquoi Cheikh Mouhamedine il a cité tous ces exemples اي نثبت هذه الصفات لله عز وجل صفات المجيء والاتيان والاراده والامساك والنزول الى اخره لكن لا نثبت اسماء. Ça veut dire quoi, hada? Qala fala naqul inna min asma'ihi al-ja'i wal-ati wal-akhid wal-mumsik wal-batish wal-murid wal-nazil wa nahwa dhalik. On dit pas an Allah subhanahu wa ta'ala mathalan c'est le murid, c'est celui qui veut. Ay en tant que ism ou an-nazil. Ay celui qui descend en tant que nom, an-nazil en arabe. Hada la. Nuthbit as-sifa, on dit an Allah azza wa jalla yanzil. C'est un fi'l, c'est une action. Amma déduire un nom fala. قال ونحو ذلك ونحو ذلك وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به من باب الإخبار. نعم مثلا نخبر أن الله سبحانه وتعالى متكلم من باب الإخبار يجوز أو en tant que صفة أن الله له صفة الكلام. أما نثبت اسم أن الله سبحانه وتعالى parmi ses noms المتكلم أو النازل أو المريد فهذا لا. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de دليل على هذا. On n'a pas de délil min al-kitab ou la min al-sunna. Et taqaddam ma'ana anna al-asma tawqifiyya. Donc ne pas croire que chaque attribut, forcément tu peux déduire un nom. Hada la. Amma al-aks na'am, on a une règle. Chaque nom, il englobe un attribut. Limaada li anna asma Allah Azza wa Jal, c'est des asma husna kamila. C'est des noms parfaits qui englobent un attribut parfait. Donc chaque nom, tu peux déduire un attribut. Amma al-aks fala. Donc tu as beaucoup d'attributs que tu ne peux pas déduire un nom. Et Cheikh Al-Uthaymeen, il a cité plusieurs exemples. Donc la conclusion de tout ça, vu que chaque nom il englobe un attribut et pas l'inverse, donc Babu Sifat, il est awsa, il est beaucoup plus vaste. Et le chapitre des attributs, il est beaucoup plus vaste que les noms. Hadhihi al-qa'ida, inshaAllah, elle est très très simple. Vous avez compris, hada. Qala rahimahullah al-qa'ida al-thalitha, troisième règle. صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين ثبوتية وسلبية. Troisième règle, et كذلك on en a parlé dans les règles précédentes. أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين ثبوتية وسلبية. Le mot ثبوتية ça vient de الإثبات. أي si c'est un attribut parfait فنثبته لله سبحانه وتعالى. Et bien sûr, à hadha al-bab, il est tawqifi, on ne répétera pas à chaque fois. Al-asma wa sifat, c'est tawqifi, la bud min dali. Fa al-thubutiyya, c'est ma athbatahu Allah subhanahu wa ta'ala li nafsih. Ou rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, qawluhu thubutiyya, ça vient du mot ithbat. Il traduit par affirmer. Fa mathalan Allah subhanahu wa ta'ala athbata li nafsih annahu alimun. قدير انه ينزل النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الله ينزل ان الله يدسن فنثبت هذه الصفات. Donc ça c'est la première catégorie de sifat thubutiyya, اي des sifat que Allah subhanahu wa ta'ala il a. Comment on a su هذا avec السم القران او السنه. قوله والسلبيه tu peux remplacer par un autre mot منفيه صفات سلبيه او منفيه اي الله سبحانه وتعالى نفاها عن نفسه أو الرسول صلى الله عليه وسلم لا تأخذه سنة ولا النوم. فالله سبحانه وتعالى نفع عن نفسه السنة والنوم. النوم سيكوني سي دغمير، والسنة سي مقدمة النوم. تعلمون أن النوم يا دي زيتا le fait de s'assoupir quand l'insan il est fatigué madalan il sent qu'il commence à fermer les yeux il a arrêté ثم il y a une étape plus profonde tu dors vraiment. Allah subhanahu wa ta'ala نفع عن نفسه les deux étapes. Que ça soit muqaddimat al-nawm, le début, le fait de s'assoupir, d'être fatigué, ou dormir profondément. Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Fa hadha, nahnu, en tant qu'ibad, on n'a pas le droit d'attribuer hadhi sifa lillahi azza wa jalla. Limadha li'anna sin sifa naqisa kama taqaddam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nafaha an nafsi. Donc, sifa thubutiya, athbataha Allah subhanahu wa ta'ala, ou rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, imma fi al-Qur'an, imma fi al-Sunnah. أي الله ثبتها في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السلبية فهذه صفات منفية هذه القاعدة كذلك الإسلام فنقرأ قال فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. Vous avez remarqué que cette règle elle est liée à la première règle. Si c'est une صفة كاملة فنثبتها لله عز وجل. إذا أثبتناها لله عز وجل parce qu'on a un dalil, c'est une صفة ثبوتية. أي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه. قال وكلها صفات كما لا نقص فيها بوجه من الوجوه. Donc il n'y a aucune imperfection, aucun manque, aucun défaut dans ses attributs. قال كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, dans ses exemples, il cite des sifat dhatiya, sam'iya, khabariya, fi'liya. Et tout ça, inshallah, on le verra dans la prochaine règle. Donc, pas besoin de tout traduire à chaque fois. Sifat al-hayat, c'est la vie, l'ilm, c'est la science, al-qudra, c'est la volonté, ila akhir. قال فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل قوله حقيقة. العلماء خاصة المعاصرون كذلك ceux qui sont venus après les salaf ils emploient ce mot كثيرا alors que السلف في الحقيقة ils l'employaient pas ils disaient إثباتها pas besoin de dire حقيقة لكن علماء السنة ils ont été contraints de préciser لماذا لأن قوما من أهل البدع خرجوا إسل الأشاعرة والكلابية والماتريدية هؤلاء المحرفون قالوا أن لله عز وجل تنصف لكن ما أثبتها حقيقة بل ils ont fait du تحريف فمثلا l'attribut des mains ils ont dit نعم الله il a des mains لكن ses mains ça veut dire la force les mains ça veut dire les bienfaits وهكذا فلهذا العلماء après l'apparition de ces groupes égarés, souvent quand ils parlent des sifats, عند الإثبات, ils disent حقيقةً, أي sans déformer. Allah, il a un visage, c'est un vrai visage. Comment il est? Allahu a'lam. Allah, il nous a pas informé. Est-ce qu'il est comme le visage des créatures? أبداً. Allah قال ليس كمثله شيء. Il n'y a rien qui lui ressemble. C'est ça, مذهب السلف. نحن الصفة نؤمن بها. الاستواء معلوم. كما قال الإمام مالك رحمه الله on s'écarte de عياذا بالله des égarements il m'a fait ressembler il m'a déformé il m'a rejeté عياذا بالله كذلك بدعة التفويض قوم قالوا الله il a un visage الله il a des mains لكن on ne sait pas c'est quoi pour eux il n'y a aucune différence ils ne savent pas c'est quoi le visage ils ne savent pas c'est quoi les mains ils ne savent pas c'est quoi le rahma ils ne savent pas c'est quoi l'izza هؤلاء العلماء ils les appellent المفوضة. Et on en a déjà parlé dans certains durus et dans cette étude de ces livres fil aqida ça viendra inshallah ta'ala ala kulli hal qawluhu fayajib ithbatuha ta'ala lillahi ta'ala haqiqatan ay kama fa'al as-salaf amruha kama ja'at hakadha kana yaqulu al-a'imma ay nu'min biha kama ja'at Allah subhanahu wa ta'ala plutôt son prophète alayhi salatu wa sallam, il nous a informé en Allah azza wa jalla il descend, on dit Allah il descend. Comment? Allahu a'lam. Est-ce que c'est comme la descente des créatures? Abadan. Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala il descend comme il veut. Enfin, nous on dit Allah subhanahu wa ta'ala il descend. Le dernier tiers de chaque nuit. Ah, et on ne rentre pas comme ils font Ahlul Bida'a. لماذا لأن عقول البشر notre raison elle est limitée في هذا. On peut pas comprendre certaines choses. مثلا حتى في الجنة حتى الجنة كما بين شيخ الإسلام pourtant الجنة c'est une créature parmi les créatures d'Allah سبحانه وتعالى. Il y a des choses que tu peux pas comprendre. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Des choses tu peux pas t'imaginer, tu peux pas comprendre. لماذا لأن tu n'as pas vu et tu n'as pas goûté ces choses, tu n'as pas touché ces choses. Enfin, tu ne peux même pas t'imaginer. On a certaines informations sur le Coran ou le Sunna et ça s'arrête là. Ça, c'est une créature, c'est le Jannah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Khaliq. Enfin, on n'a pas le droit de comparer. Tous ceux qui se sont égarés vers Al-Bab, c'est parce qu'ils ont comparé. Ils ont fait une comparaison, mais Allah, il descend. Enfin, au lieu de suivre la voie des salaf, إِثْبَاتُهَا لِلَّهِ حَقِيقَةً عَلَى الْوَجْهَ اللَّائِقْ بِهِ تَأَمَّنُوا قَوْلَهُ عَلَى الْوَجْهَ اللَّائِقْ بِهِ. Ça veut dire que Allah il descend. Quand tu dis descend, c'est, on n'a pas dit c'est un être humain qui descend, on a dit c'est Allah Azza wa Jal. Donc est-ce qu'on va dire s'il descend, ça veut dire que le trône il va être au-dessus de lui, s'il descend, ça veut dire qu'il va rentrer dans la créature? عِيَّدًا بِاللَّهِ أَبَدًا نُزُول لَائِقٌ بِهِ. Allah il descend, il est capable de tout. C'est pour ça qu'on dit Allah il descend. Et en même temps, nutbit sifat al-ulu. Et Allah, il est au-dessus. Limada lana sifat al-ulu, c'est une sifat dati. Allah, il est toujours au-dessus. Et on dit Allah, il descend. Pour un être humain, ça se contredit. Pour un être humain, non, ça se contredit. Lakin, ça, c'est des sifat lillahi azza wa jal. Enfin, on dit Allah, il descend. Et Allah, il a sifat al-ulu. Nutbit al-jami'a. Non. C'est comme sifat al-sam'a. Allah, subhanahu wa ta'ala, il entend tout. En tant qu'être humain, si deux personnes elles parlent en même temps, tu n'arrives plus à entendre, tu n'arrives plus à comprendre. Si on rajoute une troisième personne, encore moins, si on rajoute 10, 100 personnes, tu ne comprends pas, tu n'entends plus. Allah subhanahu wa ta'ala, il entend tout le monde en même temps. لماذا لأن هذا السمع سمع لائق بالله عز وجل. Vu que Ahlul Bida'a, ils n'ont pas appliqué cette règle. إثبات الصفات حقيقة على الوجه اللائق بالله. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Allah il entend, il y a des versets clairs. Ils ont déformé. Ou ils ont rejeté. Ils ont dit là, si tu dis Allah il entend, ça veut dire qu'il entend comme les créatures. Et mais ils ont rejeté. Ba'dhum, iyadun billah, ils se sont égarés, ils ont dit il entend comme les créatures. Et ba'dhum, ils ont déformé. Enfin, ce passage, il est très très important. Le haqiqa, Cheikh Ibn Uthaymeen, avec cette phrase, rahimahullah, il a résumé madhhab as-salaf. Et, walillahil hamd, on l'avait étudié ensemble, fil lamia, et kadalik dans al-iqtisad, fil i'tiqad, et ça viendra. Kadalik, quand on étudiera ensemble, inshallah, al-wasitiyya ou taqrib al-tadmuriyya. Et kadalik dans ce livre, ça y a-t-il ma'ana, min hada, inshallah. Qala, amma al-sam'a, ay al-ithbat. Al-ithbat, qala, fayajib ithbatuha lillahi ta'ala haqqatan al-ulul la'iq bih bidalil al-sam'a wal-aql. Donc, as-sam' bien sûr, le Coran ou le Sunna, et كذلك l'aql, la raison, elle accepte ça. Enfin, il a cité ces deux dalala. As-sam' le Coran ou le Sunna, et l'aql, la raison. Et, تقدم معنا هذا التنبيه. أن as-sam' suffit via هذا الباب. Si on a une preuve du Coran ou de la Sunna, que Allah, il a tel attribut, ça suffit. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. Et قبله الإمام ابن القيم رحمه الله. لأن ce livre, c'est un résumé des paroles d'Ibn al-Qayyim. في بدائع الفوائد. Quand il cite Dalalatul Aql, c'est pour répliquer, réfuter Al-Asha'ira, khassatan, les Annahum, ils prétendent affirmer les attributs avec la raison. Et pour eux, il ne faut pas que ça contredise la raison. Enfin, les ulama, ils leur montrent que la raison, elle contredit leur voix. Imma at-ta'til, le rejet, imma at-tahrif, la déformation. Qala Shaykh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, amma as-sam'a, faminhu qawluhu ta'ala. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله. دونك القرآن كذلك السنة فيها أنه يجب إثبات الصفات لله عز وجل. C'est une obligation pour chaque musulman d'accepter et d'affirmer que Allah سبحانه وتعالى لا ces attributs qu'il a cités في القرآن وفي السنة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. Tu dois croire en Allah et en son messager, alayhi salatu wasalam. Et parmi la croyance en Allah et en son messager, alayhi salatu wasalam, c'est de croire toutes les informations qui nous ont rapportées. Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a révélé dans le Coran et qui l'a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Fa nu'min billah wa bi rasulihi alayhi salatu wasalam et kadhalik nu'min bi al-Quran wa bi sunna. Amma prétendre croire en Allah subhanahu wa ta'ala thumma rejeter la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tel point, maintenant dans les attributs, là, c'est très très grave. C'est pour ça que nous nu'min. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé, Allah il descend. Le hadith il est sahih, il est dans Sahih Bukhari. On dit Allah il descend. Mais on croit en Allah et on croit au messager alayhi salatu wasalam. Lakin, ba'd al-nas, ils font passer la raison avant hada. يؤمنون بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم لكن certains خبر ils suivent leur passion et ils déforment عياذا بالله. قال وكون محمد صلى الله عليه وسلم يتضمن نعم أو قبل ذلك ونغبت حتى الكلام إلى واضح والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله بكسر السين مرسله هنا سي امبورطون لأن المرسل سي celui qui a été envoyé c'est comme الرسول c'est pour ça que tu dis المرسلون والمرسل هنا سي الله c'est celui qui a envoyé. Lakin, quand on dit le mursil, ce n'est pas un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, c'est min bab al-ikhbar. On revient à notre deuxième règle. Fa nukhbir an Allah subhanahu wa ta'ala arsala rasoula. Fa on dit al-mursil. Fa huna c'est mursile. Ay Allah subhanahu wa ta'ala. Fa mursil, c'est celui qui a envoyé. Mursel, c'est celui qui a été envoyé. Fa il y a une différence. Fa c'est pour ça que huna lire avec al-kasr, c'est très important. Hatta la yataghayyar al-ma'na. Qal wa huwa Allah azza wa jal. Fa hada c'est wadih. Donc si on croit au Coran et à la Sunna, enfin, on doit croire à tous les textes. Et parmi ces textes, des textes sur les attributs. فمثلاً, on prétend, ولله الحمد, en tant qu'Ahl Sunna, أن الله عز وجل il a des mains. Tu trouveras un autre camp où ils vont dire là. Si tu dis qu'Allah il a des mains, tu le fais ressembler à la créature. Tu trouveras un troisième groupe, ils diront les mains, lakin, ce n'est pas des mains comme nous, ce n'est pas des vraies mains. Là, en fait, c'est les bienfaits. Ou c'est la force. Tu trouveras un autre groupe et ils diront c'est les mêmes mains que la créature. Les mains d'Allah, c'est comme les mains des êtres humains, yadam billah. Enfin, comment départager Haoula? Avec ce point. Nu'min billah, on est tous des croyants. On prétend tous être des croyants. Les al-mumathila ou al-mu'attila, qu'al jahmiya, ce n'est pas des croyants. Lakin, si on prétend tous être des croyants, فهنا القرآن والسنة. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن بل يداه مبسوطتان. إلى دوما عز وجل يداه. إلى بروفيت صلى الله عليه وسلم قال كلتا يديه يمين. لي دوما الله سي دي مان دروات. لا با دمان غوش سبحانه. فأون دي الله سبحانه وتعالى إلى دوما. بوركوا ديفورمي. الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه. Et A'lam al-Nas, Willahi Azzawajal, c'est le prophète alayhi salatu wasalam. Enfin, pourquoi essayer de comprendre autre que la compréhension du prophète alayhi salatu wasalam et des salafs? C'est de l'égarement. Et c'est ça le point, le deuxième point, al-aql. Qala rahimahullah, wa amma al-aql, فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيل وأحسن حديث من غيره. الله سبحانه وتعالى إلى أنفغم عن نفسه أي إلى أنفغم أن لمم عز وجل إلى دم. Tu trouves un être humain, il va prétendre en Allah il n'a pas de main. On va croire qui? C'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymin قال وأن الله سبحانه وتعالى أصدق قيل وأحسن حديث. أصدق قيل أي الله سبحانه وتعالى c'est le haq parmi ses noms le haq. Et il dit que le haq عز وجل. أما l'être humain عياذا بالله فكثير منهم ils suivent leur passion. قال فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي بكسر العين بحيث لا يفصح بما يريد. On doit avoir aucun doute في هذا. Pourquoi? لأن المخبر celui qui nous a informé عن هذه الصفات الله سبحانه وتعالى. Et celui qui a révélé à son messager sallallahu alayhi wa sallam وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن إلى السنة c'est la révélation d'Allah عز وجل. Donc Allah سبحانه وتعالى dans cette révélation إما القرآن إما السنة il nous a informé أنه il descend, il a un visage, il a deux mains, il a du ilm, il entend, il voit, il آخر. Donc on n'a pas le droit d'avoir de doute. Ce qu'il a appelé Cheikh Ibn Uthaymin رحمه الله التردد. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل. Tu peux avoir des doutes sur la parole de quelqu'un si c'est un être humain. Et Robama il est touché par l'ignorance, par l'oubli, par les passions, il a akhiré. Là, chacun a certaines de ses paroles, tu pourras les rejeter. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu salam, c'est un être humain et on n'a pas le droit de rejeter aucune de ses paroles. Limadha li'annahu il a appuyé par la révélation. C'est pour ça que tu déduis min hadha et tu comprends la parole de l'imam Malik. Bal جاءت هذه الكلمة في حديث مرفوع عن ابن عباس إلى الصحيح أن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. C'est pour ça que tu peux prendre la parole de quiconque l'a rejeté sauf le prophète صلى الله عليه وسلم. لماذا لأن il a appuyé par la révélation. Autre que le prophète صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بدين الله عز وجل. On parle في الدين أما في أمور الدنيا le prophète صلى الله عليه وسلم il a déjà oublié. ما الدليل أنه لا déjà oublié عليه الصلاة والسلام عندما quand il s'est trompé في الصلاة عليه الصلاة والسلام il a oublié quand le sahabi il lui a demandé يا رسول الله هل زيد في الصلاة est-ce qu'il y a eu un ajout في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم il a dit là il s'était trompé et cette erreur ça vient d'un oubli c'est pas volontairement أبدا. Donc النبي صلى الله عليه وسلم ça arrive qu'il oublie أما فيما يتعلق بالخبر الديني والشريعة إلى آخره فالنبي صلى الله عليه وسلم il est appuyé par la révélation contrairement à autre que le Nabi صلى الله عليه وسلم. C'est pour ça que quand tu entends la parole de quelqu'un la chèque أحيانا tu peux avoir des doutes إما il a oublié إما il s'est trompé إما il a mélangé إما يدن بالله il suit ses passions. On revient الآن à notre كلام أما في حق الله عز وجل الله il est منزع عن هذا كله. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'oublie pas, il ne se trompe pas, il connaît tout. Donc, une information, tu acceptes. Et c'est ça l'islam, al-haqiqi. C'est ça le véritable islam. On peut avoir des faiblesses, et on a tous des faiblesses dans certaines choses. Lakin takdhib al-khabar. C'est grave, c'est du kufr. Celui qui rejette une chose claire, min al-Qur'an wa min al-Sunnah, c'est du kufr. Alors, le salaf, bayyanu, anna celui qui rejette un harf min al-Qur'an. Une lettre من القرآن. Alors qui sait qu'elle fait partie du Coran, c'est un kafir بالله عز وجل. Pourquoi? لأن القرآن c'est كلام الله. Et le mu'min il a pas le droit d'avoir des doutes. في هذا قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. Tu crois en Allah? En tant que mu'min on va répondre oui. Tu dois croire toutes les informations, tous les textes qui sont dans le Coran et la Sunna. Appliquer c'est autre chose. C'est pour ça qu'en tant que croyant, on a des faiblesses. C'est l'échec, on a tous des faiblesses. Mais est-ce qu'on dément? Le fait de rejeter, de nier un texte, certaines les choses claires, l'insane, il sait que ça fait partie du din, ça c'est de la mécréance. C'est pour ça que tu trouves, walillahilhamd, كثير من المؤمنين ils ont des faiblesses dans beaucoup de choses. Quand tu le demandes, il te dit non, c'est moi le fautif. Je fais telle chose, c'est haram, lakin c'est interdit. Et c'est moi qui est fautif. Et il espère faire des efforts et il demande pardon. Il a akhir. Amma rejeté, ma'iyadun billah, c'est très très grave. فهذا معنى قوله فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل. هذا في حق الله عز وجل c'est pas possible. Allah il sait tout. أو الكذب, le mensonge. Tu peux rejeter la parole de quelqu'un? لماذا؟ لأن il ment. Tu as des preuves que c'est un menteur. Et il te cite une information, vu qu'il a l'habitude de mentir, ben tu n'acceptes pas sa parole. هذا نعم. لكن خبر الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى c'est le haq, c'est le haq et c'est asdaq qila, c'est celui qui dit toujours la vérité سبحانه وتعالى. فلماذا avoir des doutes؟ قال أو العي, العي c'est عدم الفصاحة, le contraire c'est الفصاحة والبيان. العي, العي donc c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Tu peux avoir des doutes sur une information, un être humain, il te dit une chose et ce n'est pas clair. Il a du mal à s'exprimer, il a khalif. Tu vas avoir des doutes, tu comprends ce qu'il veut te dire. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'alim, c'est le khabir. Kalamuhu, c'est le haq. Et kalamuhu, il est clair. On n'a pas le droit de rejeter. Abadan. Qala bi hayth la yufsih bima yurid. Wa kullu hadhihi al-uyub al-thalatha. Ay al-jahl, wal-kadhib, wal-i. ممتنعة في حق الله عز وجل فوجب قبول خبره على ما أخبر به. Si on est d'accord sur ce point, et wallahi alhamd, tous les croyants ils sont d'accord, on n'a pas le droit de rejeter un khabar min khabar Allah عز وجل. Surtout هذا الباب العظيم. Pourquoi هذا الباب؟ C'est encore plus grave. لأن الله عز وجل أخبرنا عن بعض الصفات. Et c'est des sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَخْبَرَنَا عَنْ نَفْسِهِ عَزَّ وَجَلَ. Annahu il a un visage, annahu il a des mains, annahu il descend, annahu il a du ilm, annahu il voit, annahu il entend. عَيَّدًا بِلَا. Tu trouves un être humain qui n'a jamais vu Allah subhanahu wa ta'ala et qui rejette cette information. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est décrit lui-même avec certains sifat. فَتُ trouves un être humain, عَيَّدًا بِلَا, كَالْمُعْتَزِلَا وَالْأَشَّعِرَا وَالْجَهْمِيَا encore plus. Ils disent, هُمَ لَا. On va croire qui, nahnu. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous cite des choses, hommes, ils nous disent là. Qala, et ça nous montre quoi? Ça nous montre la gravité, iyadun billah, de rejeter les textes. Là, t'as donné un ha'oula au début, ils ont voulu, hakada, rejeter clairement. Là, iyadun billah, shubha après shubha. Et l'insan, il revient pour haq, et il s'entête, et l'orgueil, il rentre, hatta, il peut arriver à un stade. Comme le Jahmiya, iyadun billah, et ce n'est pas des musulmans, c'est des kuffars, bil ijma', annahum, ils disent Allah, il n'a pas de ilm, il n'entend pas, il ne voit pas, il a akhir. Iyadun billah. Ils ont enlevé toutes ces sifat. Et ils se prétendent musulmans, haoula. Pourquoi, iyadun billah, l'égarement, l'insan, yihdar. Même si tu as des faiblesses pour appliquer, ne rejette jamais. Alors, Adana, ils ont cette maladie. Maintenant, il a un problème, l'apparence. Imma il porte un habit de couvre, imma il se taille la barbe, imma une femme elle ne met pas le hijab. C'est des choses, ça fait partie de notre dîn et les textes ils sont clairs. Tu trouves la barbe, même s'ils n'appliquent pas, ils ont de la modestie. Et ça montre qu'ils ont la foi, malgré qu'elle est faible. Il dit c'est vrai. Tu lui cites le hadith, il dit c'est vrai. Bel ba'dhum, il te demande fais du'a pour moi. Et ha'oula en général ils avancent. Ils avanceront et inshallah ils délaisseront ce péché et ils appliqueront. Tu trouves la barbe. Surtout ممن تأثر بهؤلاء المعتزلة. المعتزلة c'est des gens qui fonctionnent عياذ بالله avec leur raison. On ne dit pas avec la raison là, avec leur raison qui عياذ بالله qui a été polluée par le bid'a et le khurafat. Et كذلك تأثروا بالكفار. Le kuffar il donne aucune importance à la révélation, c'est des kuffars. Enfin, la première chose qu'ils font au lieu d'accepter, ils te disent mais هذا c'était avant. Ba'dhum, ils disent même plus ça c'était avant. Ils disent ça n'existe pas. L'islam c'est dans le cœur. Vous avez inventé des choses. Ça c'est le wahhabiya. Ça c'est très très grave. Ils ont ouvert une porte d'égarement très grave. Alors que le péché qu'ils ont fait, on ne dit pas que c'est pas grave. Certains péchés, c'est min al-kaba'ir. Lakin c'est beaucoup moins grave que cette croyance. Au lieu de se rabaisser l'Allah et d'accepter. C'est-à-dire, sahih. Emmène-moi une preuve. Tu lui emmènes la preuve. Imam min al-Qur'an, imam min al-Sunnat, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le hadith, il est clair. Annahu madalan, il faut se laisser pousser la barbe. Le hadith, il est clair. Les quatre grands imams, ils sont d'accord. Tous les savants, alhamdulillah, min al-Muhaqqiqin, min al-Sunnat, ils sont d'accord. C'est haram de se raser là-bas. Enfin, tellement que c'est clair, tu dis, sahih, c'est vrai. Et fais des efforts. Ne rajoute pas un péché sur ton péché, un égarement sur ton égarement. L'anahada, ce n'est pas min al-tawfiq. L'insan qui a des faiblesses, il ne rajoute pas des faiblesses sur ses faiblesses. Là, la modestie, c'est tayyib. Accepter le haq, c'est tayyib. Je me suis trompé. Ou je fais une erreur, et inshallah, on se corrige. Qala, wa hakadha naqul, fima akhbara bihi an-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam anillahi ta'ala, fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. صحيح. Donc on a ces deux sources. Le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, et As-Sunnah. As-Sunnah, c'est les paroles, les actes et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a accepté. C'est ça, sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ça, c'est avec la révélation. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait فِدِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ, c'est forcément le haq. لِمَادَ لِيَنَّا, c'était la révélation. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a révélé. Dis cette chose, fais cette chose, accepte cette chose. Ce qu'on appelle as-sunnah. Voilà, on n'a pas le droit de rejeter هذا عيدا بالله. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme on reste toujours dans l'exemple des mains pour simplifier, pour pas trop qu'on se disperse. Est-ce que tu peux qualifier la force de droite? Ça veut rien dire. Est-ce que tu peux qualifier la force? Il y a deux forces. Tu prends Al-Ash'ari al-Dullal al-Muharrifa. Ils disent que les mains, certains d'entre eux disent les mains, en fait, c'est pas des mains. C'est la force. Et si tu leur demandes, mais Allah, il a dit main, et le prophète, il a dit main. Oui, bah, tu dis, mais les mains, dans la langue arabe, tu peux dire force, il a akhiré, muhim. Si tu lui demandes, laquelle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il t'a aidé. Hey, Allah, il a deux mains. Est-ce que Allah, il a que deux forces? Hadil oula, il ne pourra pas répondre. Donc, en se basant sur cette règle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est a'lamu an-nas billah wa asdaquhum khabaran. La chèque, tu lui montres, Anna, je ne veux pas te laisser la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ton explication. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a qualifié ses mains de yamin, de droite. Ça montre que c'est des vraies mains. Ça montre que c'est des vraies mains. Tu ne peux pas qualifier les bienfaits ou la force par droite ou gauche, ça ne veut rien dire. Donc ça nous montre que c'est des vraies mains. On va croire qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou Al-Ash'ari al-Muharrif. Là, je sais qu'on va prendre la parole du prophète, alayhi salatu wasalam. Hada al-kalam, il est mufid, jiddan. Hada fi bab al-sifat wa fi jami' al-abwab. Jami' al-abwab. On n'a pas le droit de délaisser la parole du prophète, sallallahu alayhi wasalam, avec la compréhension des salaf. Et on rajoute avec la compréhension de nos savants contemporains pour prendre l'explication de wahid qui suit ses passions, yadam billah. Hada, c'est grave. Là, le haq, il est wadih. قال والصفات السلبية. Donc on a fini الثبوتية ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه. قال والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc c'est l'inverse. Tout ce que Allah سبحانه وتعالى نفى عن نفسه. Et le prophète صلى الله عليه وسلم كذلك نفى. Enfin, nous, kadhalik, on n'a pas le droit de l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. قال وكلها صفات نقص في حقه. كما تقدم la première règle. De صفات كمال, de صفات نقص. Enfin, les صفات où il y a un نقص, c'est un manquement, une faiblesse, un défaut, une imperfection. لا نثبتها لله عز وجل. بل ننفيها. C'est ça, صفات السلبية. أي, on nie, on rejette ce صفات. في حق الله عز وجل. قال هنا في حقه, c'est important هذا. Et on en a parlé hier. أن في حق الله عز وجل c'est du نقص لكن في حق غيره ça peut être du كمال. Prends l'exemple de النوم, dormir c'est du نقص في حق الله. C'est pour ça que Allah سبحانه وتعالى نفى النوم عن نفسه. لا تأخذه سنة ولا نوم. Allah, il ne dort pas. Azza wa Jal. L'être humain qui dort, c'est du kamal pour lui. C'est qu'il est en bonne santé. Un être humain qui ne dort pas, il est malade. S'il ne dort pas ou il ne dort pas beaucoup, ça peut le rendre malade. S'il ne dort jamais, arubama yamut. C'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymeen, on a dit « fi haqqi ». Naqsun fi haqqi Allah Azza wa Jal. Kal maut, wal naum, wal jahl, wal nisyan, wal ujz, wal ta'b. Hatta al nisyan. الحقيقة c'est du kamal في الإنسان. C'est une ni'ma عظيمة. كما بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله. في حق الله عز وجل c'est du naqs. Allah عز وجل il oublie pas, c'est tout. L'être humain il oublie et في الحقيقة c'est du kamal في حقه. Et c'est une ni'ma من ni'am الله عز وجل. لأن si tu oublierais pas tu pourrais plus vivre. Une épreuve tu l'oublies pas elle te ferait beaucoup de mal, ربما elle te tue. واحد il te dit quelque chose tu n'oublies pas ça te fera beaucoup de mal. فمن ni'am الله عز وجل c'est qu'on oublie. C'est une ni'ma azima. Et cette ni'ma, normalement, nashkurullah subhanahu wa ta'ala alayha. Combien de choses on a oublié, wallahi alhamd, et t'arrives à vivre, t'arrives à avancer. Fahada qawluhu fi haqqih. Fi haqqih, ay fi haqqih Allahi azza wa jal. Qal wal ajz wal ta'b. Donc, al-maut, la mort, al-nawm, le dormir, al-jahl. L'ignorance, al-nisyan, l'oubli, al-ajz, l'incapacité, al-ta'b, la fatigue. Tout ça. ننفي عن الله عز وجل pourquoi parce que c'est du naqs قال فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع اثبات ضدها على الوجه الاكمل c'est le point qu'on a rajouté hier dans le dars l'explication de la première règle qui c'est qui nous rappelle pourquoi c'est important هذا avant qu'on lise تنفي اذا نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه صفه c'est que c'est du naqs في حقه تنفيها مثلا الله سبحانه وتعالى الى montré في القران الكريم انه يدخبا فانت تجي الله يدخبا مع هذا يجب c'est une obligation que tu crois que الله سبحانه وتعالى اثبت لنفسه ضد هذه الصفه صفه على الوجه الاكمل pourquoi تفضلت على بلا ما في لأن مجرد النفي لا يفيد الكمال لأن مجرد النفي لا يفيد الكمال الله سبحانه وتعالى لكامل في صفاته وفي أفعاله وفي ذاته سبحانه وتعالى فمن كنت في النفي ستدوى يتخد كمال فمثلا عندي الله سبحانه وتعالى يدخبا لماذا؟ لأنه سلحي القيوم c'est pour ça qu'il دخبا لأن il y a des choses tu peux faire un nafi et c'est pas du kamal. Et Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité هذا. اسمع. قال وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه للثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه. لأن النفي ليس بكمال. Ça c'est important. Le fait de dire de faire du nafi مثلا il dort pas, il oublie pas, il a akhiri, c'est pas du kamal si tu t'arrêtes là. قال الشيخ ابن عثيمين إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال وذلك لأن النفي عدم le fait de dire il a pas c'est ça le nafi c'est du adam c'est quelque chose qui n'existe pas donc c'est pas du kamal قال والعدم ليس بشيء العدم c'est quelque chose qui n'existe pas le néant فضلا عن أن يكون كمالا ça c'est important et في الحقيقة هنا on détaillera pas tout لكن بعض أهل البدع كالمعتزلة par exemple كيف يتعاملون بالصفات هم يفون دون نفي فقط كيس كي ديز يديز با الله يلانتن لا يديز الله سبحانه وتعالى إلى باسور الله سبحانه وتعالى إلى با دان كاباسيتي إلى با دفبلس يفون كو دون نفي بوخوا معين دمان لأن إثبات الصفات pour eux c'est du tamthil. لأن si tu dis qu'Allah il a des mains, t'as fait ressembler à la créature. Donc هم ils font l'inverse. مثلا ils disent pas Allah il a du ilm. العلم c'est une صفة كاملة. Nous on dit Allah سبحانه وتعالى il a du ilm, mais c'est tout. Eux ils disent quoi? Ils disent Allah il a pas d'ignorance. Vous avez remarqué comment ils fonctionnent? لأن si tu dis il a du ilm, l'être humain il a du ilm. Donc pour eux ça implique une ressemblance. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cité des صفات إيادا بالله que من باب النفي Allah il a pas, Allah il a pas. Et le fait de dire il a pas, il a pas, c'est le néant. Si tu prends l'exemple de ce mur, tu peux dire ce mur il a pas d'ignorance, il est injuste envers personne, il dort pas. Même un mur ça dort pas. Mais est-ce que ça veut dire que ce mur il est en vie et il voit tout, il est capable de tout? Abadan. اسمع كلام جابر بن عثيمين قال ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحلة فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لا يظلم الجدار c'est le mur. Le fait de faire du nafi faqat c'est pas du kamal. لماذا؟ لأن cette chose ربما elle accepte pas, elle accepte pas ce naqs. Et ça ne fait pas de cette chose une chose parfaite. Prends l'exemple de ce mur. Maintenant, est-ce que ce mur, il commet des injustices? Là. Un mur, ça ne commet pas d'injustice. Est-ce que ce mur, il est juste? Là. Il n'accepte pas l'injustice, il n'accepte pas la justice. Ça nous montre le fait de faire que du nafi, ce n'est pas de la perfection. Allah subhanahu wa ta'ala, on dit la yadlim, Allah il est injuste envers personne. Pourquoi? Li'annahu. Il est kamal al-adl. Il est parfait et il est juste, subhanah. Enfin, c'est ça la différence. Pour ne pas compliquer les choses, quand on fait du nafi, automatiquement nous subit dit had al-nafi et c'est du kamal. Allah il ne dort pas, pourquoi? Parce que c'est le hay, c'est le qayyum. Allah subhanahu wa ta'ala il ne meurt pas, pourquoi? Parce que c'est le hay. Allah il n'est pas injuste, pourquoi? Parce qu'il est juste. Ou hakada. قال وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا. Ça c'est important. واحد ربما. Garde l'exemple de l'injustice. Il commet pas d'injustice et c'est pas du kamal fi haqqi. C'est pas un attribut de bien pour lui si on prend l'exemple de l'être humain. مثلا بعض الناس pourquoi ils commettent pas d'injustice? Parce qu'ils sont faibles, ils ont peur. Pas parce qu'ils sont bien. Maintenant, s'il pourrait, il n'aurait pas peur de la justice, il n'aurait pas peur des gens, il volerait. Il serait injuste, il agresserait, il harcèlerait. Lakin, vu qu'il a peur, et il n'a pas la capacité, et il est faible, enfin, si tu demandes est-ce qu'il a déjà volé, est-ce qu'il te dira là. Lakin, il est mauvais, ça reste une personne mauvaise. Pourquoi il y en a, s'il pourrait, il le ferait. Amma Allah, subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout, et nazha an nafsihi al-zulm. Qala, alayhi salatu salam, bel qala Allah azza wa jalla fi al-hadith, حرمت الظلم على نفسي حرمت الظلم على نفسي. Allah il s'est interdit l'injustice sur lui-même alors qu'il est capable de tout. Ça nous montre la perfection. Mais celui qui ne fait pas une chose parce qu'il ne peut pas, ce n'est pas du kamal, ce n'est pas une qualité pour lui. Ça reste un défaut. Il peut être pire que celui qui le fait. Il est injuste s'il pourrait et en même temps il n'a pas de courage et en même temps il a peur des autres, il a harcèlé. فهذا من أخص الناس فهذا قوله وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا ثم إلى سيتي دي فير دو بويزي كون لي ان صم قال كما في قول الشاعر قبيلة سي لو تصغير دو قبيلة قبيلة لا يغدرون بذمة نعم قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذو حسب ليس من الشرف شيء وإن هان. Et pour bien comprendre ces deux vers de poésie, il aurait fallu citer les vers avant et après. À la kulli hal, Cheikh Ibn Uthaymeen a cité ces vers et ils concernent des personnes qui ne font pas d'injustice parce qu'ils ne peuvent pas ou parce qu'ils ont peur des autres. Il a si pourrait, il ferait des injustices. Enfin, si on dit un tel il n'a pas fait d'injustice, ça ne veut pas dire qu'il est forcément bien. Là, c'est une qualité pour lui, c'est s'il ne fait pas cette injustice alors qu'il pourrait, lakin, il a peur d'Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, on dit c'est une qualité pour lui. Mais s'il peut, il ne la fait pas, ou s'il ne peut pas, et il ne la fait pas parce qu'il ne peut pas, il a peur des autres, avec sa mauvaise niya, il a d'autres mauvaises qualités comme al-jubn. Il a le manque de courage. قال مثال ذلك في قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت فنفى الموت عنه يتضمن كمال حياته. Ce verset est clair. وتوكل على الحي الذي لا يموت. Qu'est-ce qui applique ce qu'on vient de dire? Sur'a. Vous suivez? Vous avez décroché. Allah subhanahu wa ta'ala la yamut, pourquoi? Il est le hay. C'est très simple. نفع عن نفسه الموت. Pourquoi? Parce que c'est le hay. تفضل. Le deuxième verset. مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا. تفضل. لا يظلم. Pourquoi? أحسن لأنه كمال العدل. قال نفى الظلم عنه يتضمن كمال عدله. قال مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته. أي لفت الله سبحانه وتعالى نفى العجز عن نفسه سأمبلك أنه إلى كمال العلم والقدرة. وما كان الله ليعجزه. العجز c'est l'incapacité. نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه ست صفة ناقصة. Pourquoi? قال ولهذا قال تعالى بعد أي بعد le verset إنه كان عليما قديرا. Ça, ça montre le مناسبة des noms que Allah سبحانه وتعالى cite à la fin des versets. Vu que Allah سبحانه وتعالى dans ce verset قال وما كان الله ليعجزه من شيء. Il n'y a rien que Allah il ne peut pas faire في السماوات وفي الأرض. Pourquoi? قال عز وجل إنه كان عليما قديرا. Il sait tout et il est capable de tout. Celui qui sait tout et qui est capable de tout, il ne peut pas être incapable d'une chose. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala أثبت لنفسه القدرة. قال لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه. فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. أساس فائدة. ربما إن صفة سلبية منفية سوف impliquer le contraire إن صفة كاملة أو plusieurs. فمثلا نفي العجز. العجز c'est l'incapacité, c'est de l'imperfection, donc on n'attribue pas cet attribut à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça implique et le contraire que Allah subhanahu wa ta'ala il sait tout et il est capable de tout. Donc une sifa manfiya et on a appliqué deux sifa thubutiya ou akthar. هذه القاعدة إن شاء الله للسامبل. على كل حال on résume أن الصفات الثبوتية ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. Tous les attributs que Allah سبحانه وتعالى il a cité في القرآن أو son message صلى الله عليه وسلم في السنة on les accepte et on dit qu'Allah il a cet attribut. Comme la vie, comme la science, comme le fait de descendre, comme le visage, comme les mains, il a appelé. الصفات المنفية السلبية tout ce que Allah سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أو son message صلى الله عليه وسلم dans la sunnah ils nous ont montré que Allah il a pas cet attribut, il y a une certaine faiblesse. Fa kadhalik on dit Allah il a pas cet attribut. مثلا la mort. مثلا l'oubli. مثلا l'incapacité. لكن Cheikh Ibn Uthaymeen il a fait une précision هنا أن النفي أي la négation si tu rajoutes pas quelque chose, c'est pas une perfection. C'est l'exemple avec le mur. Enfin pour que ça soit une perfection tu fais cette négation et en même temps, ça va impliquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a l'inverse de cette chose. Et c'est une chose parfaite. مثلاً, Allah subhanahu wa ta'ala il ne meurt pas. لماذا? لأنه c'est le vivant. Et sa vie elle est parfaite. وهكذا. Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas incapable. لماذا? لأنه il est capable de tout. وهكذا. Toutes les صفات منفية. فهذا. Inch'Allah, c'est compris. Et les frères qui ont eu un manquement fi hada ou ils ont pas saisi une chose, enfin le prochain cours bi idnillahi azza wa jalla.